Chapitre 38e. Comment on se débarrasse d'une femme. Quand Sir Hughes arriva à Londres, il lui restait à peine 8 jours avant l'époque où il devait s'embarquer sur le yacht de Jack Stuart pour la côte de Norvège, et il avait beaucoup à faire pour approvisionner le navire. Il ne s'en rapportait pour cela à personne. Il lui fallait de bon vin, et il ne voulait pas le payer trop cher. Il savait mieux que personne qu'on peut avoir de bon vin à bon marché, et il se mit à l'œuvre aussitôt, appelant Archie à son aide, mais sans jamais lui demander son opinion. À peine de retour à Londres, il interrogea son frère sur ses espérances matrimoniales. « Je suppose que vous allez venir avec nous, » lui dit-il, en le rencontrant devant sa maison de Berkeley Square. « Oh, assurément. Je croyais que c'était une affaire entendue, et j'ai déjà commandé mon costume. » Ce costume se composait d'une jaquette de marin et de pantalon de fourrure blanche. « C'est bien, » dit Hughes. « Allez-vous déjeuner ici ?» demanda Archie. « Non. Vous pourrez venir me trouver à l'Union Club dans 1 heure. » « Je suppose que vous n'avez jamais eu le courage de faire votre demande à Julie. »« Mais si, » dit Archie. « Et quelle réponse vous a-t-elle faite ?» Archie avait vivement repoussé l'attaque dirigée contre son courage par son frère. Mais il ne se souciait pas d'entrer dans de plus grands détails. « Eh bien, que vous a-t-elle dit ?» continua Hughes, peu soucieux de ménager les susceptibilités de son frère. « Elle m'a dit... »« À vrai dire, je ne me rappelle pas exactement ce qu'elle m'a répondu. »« Mais elle vous a refusé. »« Oui, elle m'a refusé. » Je crois qu'elle a voulu me donner à entendre que je me présentais trop tôt après la mort de Lord Ongar. Alors c'est une infernale hypocrite, voilà tout ce que j'ai à dire. Le lecteur sait que Lady Ongar n'avait pas fait acte d'hypocrisie, mais Archie éprouvait le besoin d'atténuer sa défaite. Sir Hughes désirait aussi voir Lady Ongar et avait recommandé à sa femme de l'informer de son désir. De cette manière, un rendez-vous avait été fixé sans communication directe entre Sir Hughes et sa belle-sœur. Il ne s'était pas vu depuis le jour où Sir Hughes avait figuré à son mariage dans l'église de Clavering. À ses yeux, cela ne signifiait absolument rien. Quand Lady Ongar, veuve, était revenue en Angleterre, précédée par des bruits calomnieux, il avait juré à propos d'éviter tout rapport avec elle. Ce n'était pas qu'il se souciait beaucoup de la moralité de sa belle-sœur, mais il ne voulait pas que sa femme eût des rapports avec une sœur dont la réputation était entachée. Mais pendant les quelques mois qui avaient suivi, les choses avaient un peu changé d'aspect. La famille de Lord Ongar avait donné à entendre à Sir Hughes qu'elle était décidée à reconnaître la parfaite innocence de Lady Ongar. Les parents de Lord Ongar ne désiraient pas avoir de rapport avec elle, mais ils avaient cru devoir faire cette déclaration. Sir Hughes, sans en faire part à sa femme, avait proposé 2 fois d'inviter Lady Ongar à Clavering Park, invitation que celle-ci avait refusée. À cette époque, Sir Hughes avait été chargé par la famille Corton d'une mission spéciale pour Lady Ongar et désirait une entrevue avec elle. Elle avait consenti à le recevoir. Il avait tout à fait oublié la dureté qu'il avait montrée à son égard et ne pensait pas qu'elle en eût conservé le souvenir. Elle n'avait rien oublié pourtant, et à mesure que le moment de l'entrevue approchait, elle se demandait de quelle manière elle devrait le recevoir. Il l'avait condamnée sur un point où toute condamnation est un outrage pour une femme, et pourtant il était son beau-frère, son seul protecteur naturel. Pouvait-elle lui pardonner? Non, jamais, elle se serait méprisée de lui pardonner une pareille offense. Plusieurs personnes l'avaient offensée, d'autres lui avaient fait tort, 1 ou 2 l'avaient insultée. Nul ne l'avait offensée ou insultée plus grièvement que lui. Peu avant qu'il arrivât, elle avait pris un parti sur l'accueil qu'elle lui ferait, et elle était bien résolue à ne pas dire un mot de ses propres griefs. « Comment allez-vous, Julie ?» lui dit-il, en entrant d'un pas qui était peut-être plus rapide que de coutume et en lui tendant la main. Elle s'était attendue à cela et aurait bien voulu échapper à l'étreinte de sa main, si c'eût été possible. Elle se contenta d'allonger les doigts et lui toucha légèrement la paume de la main. « Hermione va bien, n'est-ce pas ? » dit-elle. « Assez bien, merci. Elle se trouve un peu solitaire maintenant que le bébé est mort. Il serait bien aise que vous allassiez la rejoindre. « Je ne le peux pas, mais si elle veut venir me trouver, j'en serai enchanté. » »« Vous comprenez qu'il ne conviendrait pas qu'elle vienne à Londres, sitôt après la mort de son enfant. »« Je ne suis pas attaché à Londres. Je puis aller partout ailleurs, excepté à Clavering. »« On m'a dit que vous n'allez jamais à Ongar Park. J'y étais 1 fois. »« Mais on dit que vous n'avez pas l'intention d'y retourner. »« Non, pas à présent. Je crois même que je n'y retournerai jamais. Je n'aime pas cet endroit-là. » « C'est précisément ce qu'on m'a dit. C'est aussi à ce sujet que je désire vous parler. Si vous n'aimez pas cette résidence, pourquoi ne revendriez-vous pas vos droits à la famille? Elle vous en donnerait plus que cela ne vaut. Je ne tiendrai pas à la vendre. Pourquoi pas? Si vous n'y résidez jamais. Voilà ce qu'il en est. John Corton est tuteur du jeune comte et il ne voudra pas vivre dans une demeure aussi vaste que le château. Ongar Park est la résidence qui conviendrait le mieux à Mrs. Corton, mère du jeune comte. On vous achètera avec plaisir vos droits sur cette propriété. Pourquoi ne m'a-t-on pas fait faire cette proposition par un homme de loi? Le fait est, voyez-vous, que les Corton reconnaissent avoir été un peu injustes à votre égard. Je ne les ai jamais accusés, mais ils sentent leur tort et craindraient de vous blesser en vous envoyant un notaire. Ils veulent être courtois avec vous. Cela m'est parfaitement indifférent. Mais pourquoi ne pas accepter la somme qu'ils vous offrent? Je ne tiens pas non plus à leur argent. Ainsi, la proposition ne vous plaît pas. On ne peut pas vous faire renoncer à cette propriété si vous désirez la garder. Pas plus qu'on ne pourra vous faire vendre Clavering Park. Je ne veux pas cependant être impoli, et je veux vous faire rendre réponse par mon avoué. Sir Hughes n'en dit pas plus long au sujet d'Ongar Park. Il sentait qu'elle éprouvait de la répugnance à causer là-dessus. Mais il ne soupçonnait pas que sa présence fût désagréable et raviva en elle le souvenir amer de son ancienne cruauté. Au bout de quelques instants, il ramena la conversation sur Hermione. Maintenant que le monde avait absous Lady Ongar, rien n'empêchait l'intimité des deux sœurs. Sa femme n'aimait pas plus que lui Clavering Park. S'il pouvait fermer la maison, ce serait une bonne affaire pour lui. Sa femme n'était plus désormais qu'un fardeau, et il aurait assez convenu de rejeter ce fardeau sur les épaules de sa belle-sœur. Si les deux sœurs pouvaient s'arranger de façon à passer l'été ensemble, cet arrangement pourrait devenir permanent et lui conviendrait fort. Il paierait une partie de la dépense le moins possible et l'économie ainsi réalisée lui permettrait d'augmenter ses dépenses personnelles dans le monde. « Je voudrais bien vous savoir ensemble, Hermione-vous, pendant mon absence. Je serais enchanté de la voir si elle vient me trouver. Comment ? Ici, à Londres ? Je ne crois pas qu'elle désire venir à Londres pour le moment. Je ne crois pas qu'elle ait jamais exprimé un vœu contraire. Non, assurément, mais depuis la mort de son enfant. Pourquoi cette mort l'empêcherait-elle de venir plus tôt que vous ? Si vous ne voulez pas qu'elle voie le monde, elle ne sera nulle part plus tranquille qu'auprès de moi. Je ne vais nulle part. Je n'ai pas dîné dehors ni paru à aucune soirée depuis la mort de Lord Ongar. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je ne sais pas ce que vous avez voulu dire. Pour des raisons différentes, nous restons tous deux à peu près également sans amis. Hermione ne manque pas d'amis, dit Hugues d'un ton offensé. Si cela était comme vous le dites, il n'éprouverait pas le désir de venir me trouver. Vos amis sont à Londres, où elle ne vient pas, ou dans d'autres maisons de campagne, où vous ne la menez pas. Elle passe sa vie à Clavering et ne peut voir personne que votre oncle. Elle peut voir tous nos voisins, comme les autres femmes. Sans doute, comme les autres. Pour moi, je veux rester à Londres encore un mois, puis j'irai quelque part, je ne sais encore où. Si Hermione veut accepter mon hospitalité, je serai heureuse de la recevoir, et plus longtemps elle restera, mieux cela vaudra. Votre retour en Angleterre n'y fera, je ne suppose, aucune différence. Il y avait dans ses paroles une amère satire qu'il ne put s'empêcher de ressentir. Il s'arrêta après cela et le regarda en face d'un œil qui en disait encore plus que ses paroles. « Auriez-vous l'intention de me railler ? » lui dit-il. Elle se souciait fort peu de l'offenser. Si le sentiment de sa dignité ne l'eût retenu, elle eût fait une vive sortie et lui aurait donné à entendre que sa présence lui déplaisait. « Il est difficile, lui dit-elle, de vous parler d'Hermione sans qu'on ait l'air de vous railler, comme vous le dites. Le fait est que vous voulez vous débarrasser d'elle. Je n'ai aucun désir pareil, et vous n'avez pas le droit de parler ainsi. En tout cas, vous vous débarrasserez de sa société. Si, dans ces circonstances, elle veut venir me trouver, je serai heureuse de la recevoir. Nous ne mènerons pas ensemble une vie fort gaie, mais ni elle ni moi ne pouvons nous attendre à une joyeuse existence. Il se leva, le front plissé par un mouvement de colère. Je vous comprends, dit-il. « Parce que vous avez eu des contrariétés dans votre existence. Il vous plaît de vous prendre à moi. J'avais cru que vous n'oublieriez pas de sitôt, chez qui vous aviez fait la connaissance de Lord Ongar. Non, Hughes, je ne l'ai pas oublié. Je me rappelle où je l'ai rencontré, comment je l'ai épousé et tous les événements qui ont suivi. Ma mémoire, malheureusement, est fort bonne. J'ai fait pour vous tout ce que j'ai pu, et je n'avais pas le droit de m'attendre à vos insolentes paroles. Il fallait continuer de rester loin de moi, et vous vous laisseriez épargner. Mais nous avons tort de nous disputer ainsi. Vous et moi, nous ne saurions être amis, mais il ne faut pas que nous soyons ouvertement ennemis. Votre femme est ma sœur, et je vous le répète, si elle veut venir me trouver, je serai enchanté de la recevoir. Ma femme n'ira jamais chez une personne qui m'a insulté. » Là-dessus, il prit son chapeau et quitta l'appartement sans un mot d'adieu. En dépit de ses plans bien arrêtés, pour se débarrasser de sa femme, son caractère, dont il n'était pas assez le maître, lui avait joué un mauvais tour. Il ne fallait plus songer à envoyer Hermione chez Julie, après la manière dont celle-ci venait de le traiter. Après son départ, Lady Ongar se promena de long en large dans la pièce, souriante et contente d'elle-même. Elle avait accueilli les ouvertures d'Archie par un refus décisif, mais avec courtoisie, parce qu'Archie était faible, pauvre et impuissant. Mais elle avait écrasé sur Hughes de son dédain, et cela tout en évitant de rappeler ses propres griefs. Il était venu s'offrir à ses coups et elle n'avait pas laissé échapper l'occasion. Elle lui avait dit qu'elle n'avait pas besoin de son amitié, mais tout le temps son langage était resté tel qu'il convenait à une comtesse, à une veuve, à une lady. Elle le regrettait pour Hermione, qui désormais ne pourrait guère venir la trouver. Elle n'en désespérait pas, cependant. Une séparation finirait par devenir nécessaire entre sa sœur et sœur Hughes. Tous deux devaient la souhaiter, et si elle avait lieu, Hermione pourrait venir la rejoindre. Sa pensée se reporta aussitôt sur Harry Clavering. Quelle décision fallait-il prendre et quelle démarche faire? Sœur Hughes lui avait proposé de vendre ses droits sur Ongar Park, et elle avait promis de lui donner réponse par son avoué. Elle était bien décidée à ne pas vendre cette résidence, mais l'avait fermement résolu aussi de la rendre gratuitement à la famille Ongar, si elle ne devait pas la garder pour en faire la résidence de Harry Clavering. S'il devait l'habiter avec elle, que lui importeraient les vœux de Corton? Mais s'il ne devait jamais paraître dans cet Éden, alors la mère du jeune comte pourrait venir s'installer dans cette riche demeure. Elle ne lui demanderait rien en retour. Le sac d'argent pour lequel elle s'était vendue ne lui paraissait-il pas déjà trop lourd? Mais elle ne pouvait rien faire avant que l'autre question ne fût résolue. Elle repassait dans son esprit la conversation qu'elle avait eue avec Cecilia Burton et revenait toujours à la même conclusion. C'était à Harry de faire son choix. Elle se résignerait s'il lui demandait le sacrifice de son amour, mais elle ne pouvait travailler activement elle-même à faire son propre malheur.